Chapitre 16. Aurangabad, Pune, les mariages aux Indes orientales. Le voiturier fou. Bombay, les Parsis adorateurs du feu. Funérailles des Indiens. L'île Elephanta, l'île Salcette. Le 7 mars, à une heure bien avancée de la soirée, j'arrivais à Aurangabad. Le capitaine Stewart, qui habitait en dehors de la ville, m'accueillit avec autant d'amabilité que ses prédécesseurs. 8 mars, le capitaine Stewart et sa femme m'accompagnèrent à la ville pour me montrer les curiosités qui se composent d'un monument et d'un étang sacré. Aurangabad, capitale du Deccan, compte 60 000 habitants et est en partie en ruine. Le monument, situé à très peu de distance de la ville, a été fondé il y a plus de 2 siècles par le sultan Aurungzeb Alemgir en mémoire de sa fille. On l'appelle le petit Tadj. Il est sans doute beau, mais il ne mérite nullement d'être comparé avec le grand Tadj d'Agra. Il se compose d'une mosquée, d'une haute coupole et de 4 minarets. Au dehors, l'édifice est revêtu en bas, sur tout le tour, d'une bordure de marbre blanc d'1,5 mètre de haut. Le reste est couvert d'un ciment fin et blanc dans lequel on a sculpté de jolies fleurs et des arabesques. Les portes d'entrée sont recouvertes de métal sur lequel on a également gravé à l'eau-forte des arabesques et des fleurs. Malheureusement, le monument est déjà très endommagé et un des minarets est à moitié enseveli dans les décombres. Dans la mosquée, on voit un simple sarcophage entouré d'une petite balustrade à jour en marbre. Tous deux n'ont de commun avec celui du grand Tadj que le marbre blanc. Mais pour la richesse et le travail, ils lui sont tellement inférieurs que je ne puisse m'expliquer comment il avait pu venir à l'idée de qui que ce soit de faire une aussi incroyable comparaison. Près de la mosquée, il y a un joli portique de marbre et tout autour, un jardin mal entretenu. Le roi actuel voulait faire enlever le marbre de ce monument pour l'employer à une construction dans laquelle reposeraient un jour ses dépouilles. Il en demanda la permission au gouvernement anglais. Il lui fut répondu qu'on ne s'y opposait pas, mais qu'il devait songer d'un autre côté que, s'il respectait si peu les monuments de ses ancêtres, le sien pourrait bien avoir le même sort. Cette réponse l'engagea à renoncer à son projet. L'étang sacré, regardé comme tel par les Mahométans, est un grand bassin revêtu d'une maçonnerie de grosses pierres de taille. Il est rempli de gros brochets auxquels il n'est pas permis de toucher. On a même préposé à leur garde un homme chargé de les nourrir. Aussi, les brochets sont si apprivoisés et si familiers qu'ils mangent dans votre main des raves, du pain et autre chose semblable. Les temps de pluie coûtent la vie à beaucoup de ces bêtes. Sans cette heureuse circonstance, l'étang contiendrait déjà depuis longtemps plus de poissons que d'eau. Aussi, depuis l'arrivée des Anglais, les gardiens ne se piquent plus, dit-on, de trop de conscience et font passer souvent pour de l'argent comptant les poissons de l'étang dans les cuisines anglaises. Après une agréable journée, je dis un adieu cordial à mes aimables hôtes et je continue mon voyage vers Pune, 136 milles dans un autre Bali. 9 mars, Toka. Les routes commencèrent à devenir meilleures et on trouvait de nouveau des bungalows en payant la taxe usitée. 10 mars, Emmanpur. Petit endroit sur le sommet d'une chaîne de collines. C'est ici que je trouvai le plus beau bungalow de toute la route de Bénarès à Bombay. 11 mars, nous traversâmes des contrées désertes, des collines et des montagnes nues. les arbres majestueux qu'on rencontrait de temps en temps, avec des fontaines et des hôtels, avaient déjà disparu près d'Aurangabad. Vers midi, nous passâmes près de la ville très animée d'Ahmed Nunjer, non loin de laquelle se trouve une grande station militaire anglaise. 12 mars, le bungalow de Serrure était trop près, celui de Kandapur trop éloigné. J'établis donc mon gîte dans un petit village, sous une véranda. 13 mars, à Kandapur, il y a quelques jolis temples hindous et plusieurs petits monuments mahométans. Dans le village de Loni, il y a aussi une grande station militaire anglaise. J'y trouvai un obélisque élevé en mémoire d'une bataille que 1200 Anglais gagnèrent contre 20 000 indigènes. 14 mars, Pune. Dans cet endroit, j'eus une peine infinie à trouver M. Brown, à qui j'avais été recommandé par M. Hamilton. Les Européens demeurent partout en dehors des villes, la plupart à de très grandes distances les uns des autres. Et ici, pour mon malheur, j'en rencontrai plusieurs qui n'étaient pas des plus polis et qui ne daignèrent pas me donner des renseignements. Quant à M. Brown, il m'accueillit aussi bien que je pouvais le désirer. La première chose qu'il me demanda fut s'il ne m'était arrivé aucun accident fâcheux dans mon voyage. Il me raconta qu'il n'y avait pas longtemps qu'un officier avait été dévalisé entre Supa et Pune, et qu'on l'avait même assassiné parce qu'il avait voulu se défendre. Mais, ajouta-t-il, ces cas sont excessivement rares. J'étais arrivé vers midi. Après le dîner, M. Brown me conduisit en voiture à la ville qui appartient à la Compagnie des Indes. Elle compte 15 000 habitants et est située au confluent de la Muta et de la Mula, au-dessus desquels passent de beaux ponts. Les rues sont larges et bien tenues. Les maisons, comme celle d'Onjain, ont des façades en bois. Quelques-unes étaient toutes couvertes de peinture. Elles appartiennent pour la plupart à des fakirs, dont la ville fourmille. C'était justement le mois que les hindous regardent comme le plus propice pour les mariages. Aussi rencontrâmes-nous, dans les rues, plusieurs cortèges joyeux. Le fiancé est enveloppé d'un manteau de pourpre, son turban, orné d'oripeaux brillants, de tresses, de rubans et de houppes, ressemble de loin à une riche couronne. Les rubans et les houppes lui couvrent presque toute la figure. Il est à cheval. Les parents, les amis et les conviés l'entourent à pied. Arrivé devant la maison de la fiancée, dont les portes et les fenêtres sont hermétiquement fermées, il se met tranquillement et en silence sur le seuil. C'est là que viennent aussi se ranger les parents et les amis de la fiancée, sans cependant beaucoup parler avec le fiancé ou avec les autres hommes. La scène ne change pas avant la nuit. Alors le fiancé s'éloigne sans rien dire avec ses amis. Soudain, un baili, tout couvert, s'arrête devant la porte. Les amis se glissent dans la maison, amènent la fiancée entièrement voilée, la poussent dans le baili et le suivent au son mélodieux du tam-tam. Le cortège de la fiancée ne se forme qu'un quart d'heure après que le fiancé s'est mis en route. Les femmes la conduisent dans la maison de son époux, mais elles la quittent bientôt. La musique bruyante va toujours son train, jusque fort avant dans la nuit. Mais ce sont seulement la noce des classes pauvres qui se font de cette manière. De Pune à Panwell, 70 000 Anglais, il y a une route de poste et on peut voyager en dock. Mais de Panwell à Bombay, on voyage par eau. Je m'en tins au Bailey, qui coûte moins cher, et M. Brown eut la complaisance de m'en procurer un. Il me donna même un domestique pour la route. Le 15 mars, je continuai mon voyage et j'arrivai le même jour à Woodgown, petit village dont le bungalow, le plus sale que j'ai vu, n'avait même pas de lit. 16 mars, Kumpuli. Le paysage de Woodgown à Kumpuli est le plus beau que j'ai jamais admiré dans l'Inde. Ce qui me charma le plus, ce fut une montagne qui se trouve à quelques milles de Kundala. On est au milieu d'une grande chaîne qui forme les groupes les plus variés. Les cimes s'entassent les unes sur les autres et se surpassent en beauté fantastique. Il y a ici d'énormes terrasses de pierre, des cônes aplatis, des chapiteaux de pointes et de créneaux. Là, on croit voir des ruines et des fortifications ou une large voûte étendue sur un majestueux édifice ou bien une tour gigantesque en style gothique. La montagne de Funel, qui a la forme d'une cheminée, présente l'aspect le plus étrange. De l'autre côté, on découvre une vaste plaine et, à son extrémité, la surface de la mer si longtemps désirée. Une grande partie des montagnes est couverte de superbes et vertes forêts. Je fus si transporté de la richesse des beautés de la nature que, pour la première fois, je fus content de mon attelage de bœuf cheminant avec la plus grande lenteur. Entre Woodgown et Kundala, on rencontre un petit endroit, Karli, également renommé à cause de ses temples de rochers éloignés de 2000. Je ne les visitais pas, car on m'avait assuré qu'ils n'étaient pas moitié si intéressants que ceux d'Adjunta et Ellora. Kundala occupe le plateau d'une montagne. On y trouve plusieurs jolies maisons de campagne où des familles européennes de la présidence de Bombay viennent passer le temps des chaleurs. Dans le pays de Deccan, ainsi que dans celui de Bombay, je trouvais les indigènes moins beaux que dans le Bengale et dans l'Hindoustan. Leurs traits étaient beaucoup plus communs et annonçaient moins de bonté et de franchise. Depuis quelques jours, nous rencontrions encore de très grands convois de bœufs. Plusieurs des conducteurs menaient avec eux leurs familles. Les femmes étaient toutes sales et déguenillées, mais surchargées de parures de toute espèce. Sur tout le corps pendaient des galons de laine de couleur et de houppes. Leurs bras étaient couverts de bracelets de métal, d'or et de perles de verre. Aux oreilles, indépendamment des pendants, étaient attachées de grosses houppes de laine et les pieds étaient chargés de chaînes et d'anneaux pesants. Ainsi parée et surchargée, la belle était assise sur le dos d'un bœuf ou bien trottée à côté des bêtes. 17 mars. Depuis l'attaque du nègre brésilien, je n'avais pas éprouvé une peur comparable à celle que je ressentis aujourd'hui. Dès le commencement du voyage, mon voiturier m'avait semblé un peu singulier, ou plutôt fou. Tantôt il querellait ses bœufs, tantôt il les caressait, tantôt il apostrophait les passants, tantôt il se tournait de mon côté et me regardait fixement pendant quelques minutes. Mais comme j'avais un domestique qui marchait toujours à côté du béli, je n'y fis pas grande attention. Ce matin, mon domestique avait, à mon insu, pris les devants pour aller à la station voisine. Je me trouvais donc seule avec le voiturier détraqué sur une route passablement solitaire. Au bout de quelque temps, il descendit de voiture et marcha derrière, tout contre le béli. Les bélis ne sont couverts de nattes de paille que sur les côtés et restent ouverts devant et derrière. J'aurais donc pu voir ce qu'il faisait, mais je ne voulus pas me retourner pour ne pas lui donner l'idée que je le croyais capable de quelque mauvaise intention. Je ne tournai qu'insensiblement ma tête de ce côté pour pouvoir l'observer un peu. Bientôt, il revint sur le devant, prit sur le béli, à mon grand effroi, la cognée que tout voiturier porte avec lui, et se remit à nouveau à marcher par derrière. Je commençai alors à croire qu'il méditait quelque mauvais coup, mais comme je ne pouvais songer à lui échapper, je ne devais pas faire voir la moindre crainte. Tout doucement et sans rien dire, j'attirai à moi mon manteau et je le roulai pour garantir au moins ma tête s'il brandissait par hasard contre moi sa cognée. Il me laissa quelque temps dans cette pénible position. Puis il revint prendre sa place et me regarda d'une manière effrayante. Enfin, il redescendit et recommença plusieurs fois le même jeu. Ce ne fut qu'au bout d'une heure, qui me parut interminable, qu'il mit sa cognée de côté, resta assis sur la voiture et se contenta de me regarder de temps en temps fixement. Une autre heure plus tard, nous arrivâmes à la station où je rejoignis mon domestique à qui je défendis de me quitter désormais. Les villages que nous traversâmes aujourd'hui étaient des plus misérables. Les cabanes étaient composées de murs de joncs ou de roseaux recouverts de feuilles de palmiers. Il y en avait qui manquaient même de façades. Ces villages sont généralement habités par des marathes, tribu assez puissante jadis dans l'Inde et notamment dans la presqu'île en deçà du Gange. Chassés au XVIIIe siècle par les Mongols et les Hindous, les Marathes se réfugièrent dans les montagnes qui s'étendent de Surat à Goa. La plus grande partie de ce peuple fut forcée de se soumettre aux Anglais au XIXe siècle. Parmi les princes Marathes, Sindhia passe pour être le seul qui maintient encore un peu son indépendance. Les autres reçoivent des pensions. Les Marathes sont sectateurs de Brahma. Ils ont une forte complexion. Leur teint passe du noir sale au brun clair. Les traits de leur physionomie sont laids et rusés. Endurcis contre toutes les fatigues, ils ne vivent, pour ainsi dire, que de riz et d'eau. Et leur caractère est, dit-on, cruels, astucieux et féroces. Avant d'aller au combat, ils s'enivrent en buvant de l'opium ou en fumant du chanvre sauvage en guise de tabac. L'après-midi, j'arrivai au petit endroit nommé Panwell. Vers le soir, on s'embarqua sur le fleuve Panwell. On entra en mer et on débarqua vers le matin à Bombay. J'avais fait, heureusement, en 7 semaines, le long et pénible voyage de Delhi à Panwell. Si je réussis dans cette entreprise au-delà de mes espérances, je le dois en grande partie aux bontés des administrateurs anglais qui secondèrent de leur mieux une pauvre Allemande inconnue. Aussi leur générosité ne s'effacera jamais de ma mémoire. Je les en remercie encore une fois du fond de mon cœur. Et la meilleure preuve que je puisse leur donner de ma reconnaissance, c'est de proclamer tout haut combien il serait à désirer que mes compatriotes, les consuls et les ambassadeurs d'Autriche, leur ressemblassent. Je descendis à Bombay dans la maison de campagne du consul de Hambourg, M. Wattenbach. Je m'étais flatté de l'espoir que je réclamerais son hospitalité pour peu de jours seulement et que je pourrais continuer au plus tôt mon voyage et profiter encore des moussons dans le trajet du golfe d'Arabie et du golfe Persique. Note, c'est ainsi que s'appellent certains vents réguliers et périodiques de la mer des Indes qui soufflent 6 mois de l'est à l'ouest et les autres 6 mois du côté opposé. Fin de note. Mais les jours se changèrent en semaines, car la saison favorable était déjà passée et c'était une chose difficile que de trouver alors une occasion de m'embarquer. M. Wattenbach me rendit le séjour de Bombay très agréable. Il me montra même toutes les curiosités et m'accompagna dans une excursion à Elephanta et à Salsette. Bombay est située dans une petite île extrêmement jolie, séparée du continent par un tout petit bras de mer. Sa superficie est de près de 5000 carrés, habitée par 250 000 âmes. Bombay est le chef-lieu de l'Inde occidentale, et comme son port est le meilleur et le plus sûr de toute cette côte, c'est le principal entrepôt des marchandises de l'Inde, de la Malaisie, de la Perse, de l'Arabie et de l'Abyssinie. Pour le commerce, Bombay ne le cède qu'à Calcutta. On y entend toutes les langues du monde civilisé et on en voit les costumes et les diverses mœurs. C'est de la pointe de Malabar qu'on a la plus belle vue de l'île et de la ville de Bombay, comme aussi des îles voisines de Salcette, d'Elephanta, de Kolabé, de Karajan et du continent. Les grands environs se composent surtout de basses collines couvertes de beaux cocotiers et de dattiers. On voit aussi, dans la plaine qui entoure la ville, beaucoup de ces bois dont on fait des jardins en les séparant par des murs. Les indigènes aiment à établir leurs habitations à l'ombre touffue des arbres, tandis que les Européens cherchent au contraire l'air et la lumière. Les villas de ces derniers sont jolies et commodes, mais elles ne peuvent ni pour la grandeur ni pour la magnificence se comparer à celles de Calcutta. La ville est située dans une plaine le long du rivage de la mer. Il faut chercher la vie active et remuante des riches négociants indigènes et européens dans la partie fortifiée, dans le fort qui forme un grand carré. Ici, on trouve dans des magasins et des entrepôts spacieux des marchandises de toutes les parties du monde. Les rues sont jolies. La grande place, appelée The Green, est superbe. Parmi les édifices, la halle de la ville, dont la grande salle n'a point de pareil, l'église anglaise, le palais du gouvernement et la monnaie se distinguent par leur architecture.